بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام الحمد لله الذي هيأ لنا هذه اللقاءات ونسأل الله سبحانه وتعالى المزيد من فضله وأسأل المولى عز وجل أن يجازي خير الجزاء من كان سببا في هذه اللقاءات من قريب أو من بعيد وأن يثبتنا وإياكم على الكتاب والسنة وفق منهج وفهم سلف هذه الأمة فإن الله عز وجل للوون جتاء الله سبحانه وتعالى qui nous a facilité ces rencontres. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous combler plus de ses bienfaits. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il récompense en bien que ceux qui sont la cause, de près ou de loin, de ces rencontres, qui ont été la cause de ces rencontres. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermit tous sur la voie du livre d'Allah, l'authentique de la sunna, et la voix et la compréhension du puiseur d'Allah alayhi. Fa la ikhfa ala al-ikhwa ma yata'arradu lahu al-islam wal muslimuna min hajamatin sharisa ala al-umum wa ma yata'arradu lahu al-islam al-haq alladhi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sara alayhi as-sahbu al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsan la yawm ad-din ala wajhi al-khusus. Il n'est pas absent de l'esprit de tout un chacun de nous ce que subit l'islam actuellement, ce que subissent les musulmans comme attaque en général, et ce que subissent ceux qui veulent suivre la voie de leur puiseur d'Allah alayhi, et qui veulent être sur la voie de Mohammed alayhi salatu salam, ses nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Wa ma mahzalatu al-barnamaj alladhi udi'a عن ما يدعى أنه السلفية بمرسلية عبر القناة الأولى عن النبي بعيد. Et c'est pas loin de nous la risée qui a été propagée à travers cette émission qui soit disons une émission concernant les salafis de Marseille. وعداء غير المسلمين للإسلام هذا أمر واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. La haine des non-musulmans vis-à-vis de l'islam, ceci est clair. Comme éclaire le soleil en plein zénith. ولكن الأشد والأخطر عداء من ينتسب إلى الإسلام وهو عدو للإسلام ويحارب الإسلام ويحارب المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. الله عز وجل لا عندي نوع من المسلمين vis-à-vis de l'islam est clair. Mais le pire et le plus dangereux, c'est la haine et l'animosité de ceux qui se disent musulmans. Hein? Et leur haine vis-à-vis de la voix des puiseurs d'Allah alayhim, vis-à-vis de la voix de Mohammed alayhi salatu salam, ses nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala hada tariq, tariq Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, sahbu al-kiram, huwa tariq al-mousil ila ridwanih. وأوجب علينا في كل صلاة أن ندعوه أن يثبتنا عليه اهدنا الصراط المستقيم وإلا صلاتنا باطلة Quand Allah Azza wa Jal cite voix de nos puissants d'Allah alayhim sur laquelle était Muhammad alayhi sallallahu alayhi sallam et les nobles compagnons d'Allah alayhim, c'est la seule voie qui mène vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, le plus court chemin pour arriver vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait obligatoire de lui demander à être sur cette voie-là, à être raffermé sur cette voie-là dans chacune de nos prières. Et si on ne fait pas cette demande, notre prière n'est pas valide, n'est pas acceptée. Guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Wa الذين يعادون الإسلام من المسلمين هم قسمين إخوة الإسلام أهل الشهوات وأهل الشبهات وقيل القسمين خطير جدا إلا أن أهل الشبهات أخطر من أهل الشهوات et les musulmans qui combattent l'islam véridique et l'islam sur lequel étaient les puiseurs d'Allah alayhim sont de deux sortes. لا يحتاج إلى تحية مسجد لأن هذه ما هي إلا قاعة وغدا يمكن أن تصبح حاجة أخرى. Donc l'islam, ceux parmi les musulmans qui font le combat aux musulmans sont de deux sortes, deux catégories de personnes. Ceux qui sont dans les ambiguïtés, qui suivent leurs ambiguïtés, et ceux qui suivent leurs passions et les tentations. والحالات كما ترون إخوة الإسلام تكالب الشهوات والشبهات على الحق. La situation c'est telle que vous la voyez devant vous. Les deux parties s'acharnent. Les gens des ambiguïtés, les gens des tentations, du plaisir, s'acharnent tous sur la vérité et les gens de la vérité. ومما لا شك فيه أن أعظم سلاح لمقاومة هذا كله هو السلاح الذي استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين ألا وهو سلاح العلم. Il n'y a aucun doute, frère, en Allah Azza wa Jal, que la meilleure des armes contre tout ça, pour combattre tout ça, c'est la seule et unique arme, celle qui a été utilisée par Muhammad alayhi sallatu salam et ses nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection, à savoir la science. La science dont la source, le livre d'Allah, l'authentique de la Sunna et la compréhension et la voie des puiseurs d'Allah alayhim. Wa hadha al-ilm la yuqharu sahibuh wa la yuhzamu sahibuh bal yu'azz wa yukarram wa lahu sharaf 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui a cette noble science n'est pas vaincu. Il ne sera pas déshonoré, au contraire, il a toutes les honneurs et il est élevé par Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا العلم إخوة الإسلام من ضبطه وأتقنه مخلصا لله مبتغيا رضا الله سبحانه وتعالى رفعه الله سبحانه وتعالى ورد به شبه للشبه ورد به كذلك الشهوات ورد به كيد الكافرين أعداء الدين. Et cette science, frère en Allah Azza wa Jal, celui qui la maîtrise, celui qui la perfectionne pour Allah, sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, voulant la récompense min Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala l'élève avec. Et avec cette science, il va répliquer aux gens des ambiguïtés et en même temps aux gens des tentations et en même temps il va répliquer et repousser le mal des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, des ennemis de la religion. وهذا العلم إخوة الإسلام نحن بحاجة إليه أكثر من حاجتنا إلى الهواء والطعام والزوجة والأولاد. لأن الله عز وجل cette science bénéfique nous en avons besoin plus que la boisson, plus que l'eau, plus que la nourriture, plus que la femme et plus que les enfants. لماذا؟ لأننا نعيش عالما من ميزاته الفتن والشبهات طوفان من الفتن طوفان من الشبهات والكثير أصبح وقودا لهذه الفتن وهذه الشبهات والمعصوم منا من عصمه الله سبحانه وتعالى فنسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. Pourquoi nous avons encore plus à notre époque de la science bénéfique? Parce que nous vivons dans un monde, l'une des particularités de notre temps, c'est les ambiguïtés et c'est les fitanes et les perturbations. Des déluges d'ambiguïtés, déluges de fitanes. Et beaucoup sont le combustible de ces fitanes et de ces ambiguïtés. Et l'épargné, c'est celui que Allah subhanahu wa ta'ala protège. Celui qui est protégé min Allah azza wa jal. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de toute forme de fitna apparente ou cachée. وهذا العلم إخوة الإسلام اجلس يا أخي ما تحت الصلاة هذا. وهذا العلم إخوة الإسلام طريقه التعلم على أيدي الموثوقين في عقيدتهم ومنهجهم. لما؟ لأن الشبه خطافة. لأن الله عز وجل cette science et cette noble science, la voie pour l'acquérir, c'est de l'apprendre de ceux qui en sont dignes, qui sont les hommes de science, qui sont dignes de leur religion et qui ont des croyances authentiques, une voie saine qui est la même voie sur laquelle était le prophète alayhi salam et les nobles compagnons d'Allah. Car les ambiguïtés ont l'effet de l'aimant, ils tirent. Les ambiguïtés ont l'effet de l'aimant, ils tirent vers elles. Comme l'aimant tire le fer, la même chose. Wa kam nasma'u al-an ممن يروج لهذه الأفكار الهدامة من الداخل. لما نقص المغراوي؟ لما نقص أبي حسن أبي إسحاق؟ لما نقص حسان؟ لما نقص المنجد؟ لما نهدم علم هؤلاء؟ Et combien nous entendons de ce genre d'ambiguïté maintenant et de ces idées qui se propagent un petit peu partout maintenant, ici, là-bas et un petit peu partout. Pourquoi mettre de côté le Maghraoui? Pourquoi mettre de côté Abu Ishaq? Pourquoi mettre de côté Hassan? Pourquoi mettre de côté le Munajjid? Pourquoi mettre de côté celui-là et celui-là? Pourquoi détruire et mettre de côté la science de tout cela? Wa'adat qasimatu dhahr wa hiya qa'idatu al-ikhwan al-muflisun نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه لكنها عادت بلباس سلفي وممن يعد من أهل الحديث. Et est revenu sur la scène maintenant, sur le terrain, une idée, une règle qui était chez l'Ikhwan Muflisim, qui est une règle destructive, qui détruit, qui dit on finit sur les choses sur lesquelles on est d'accord et que les uns se pardonnent les autres sur les choses sur lesquelles on est en divergence. Hada, c'est la règle de l'Manar, c'est la règle des Ikhwan Muflisun. Mais notre malheur maintenant, c'est que cette règle commence à s'immiscer dans le milieu de nos frères salafis, avec un déguisement salafi, et commence à se propager par des gens qui sont considérés, qui comptent parmi les gens du Hadith. فساقها بعضهم وهو علي الحلبي في قالب جديد يقول لا نجعل اختلافنا في غيرنا خلافا بيننا. Et parmi ceux qui comptent parmi les gens du hadith, qui est Ali al-Halabi, il a ramené cette même règle. Il a changé les expressions. Il dit qu'on ne fasse pas de notre divergence sur une personne une divergence entre nous. Et ceci est très dangereux parce que ça veut dire c'est tel homme de science a rendu, et c'est certain nombre d'hommes de science ont dit que cette personne est un innovateur, et si moi je ne le dis pas, ben ça veut dire qu'il n'y a pas lieu à ce qu'on se sépare. On reste d'accord. A'oudou billah. Et ça, c'est ce genre d'idée est très dangereux. Surtout quand on est loin des hommes de science. Et qu'on se retrouve dans un milieu comme le milieu européen, où il n'y a pas d'hommes de science. Les dégâts sont énormes. Et ces belles phrases emportent. Parce que c'est une belle phrase. Mais cette belle phrase, c'est un poison. Fa رد الشيخ زيد حفظه الله تعالى على ما قاله الحلبي ورد عليه غير واحد من أهل العلم. Cette règle avec laquelle est sorti dernièrement Cheikh Ali al-Halabi, beaucoup d'hommes de science lui ont répliqué. Parmi ceux qui ont répliqué, Cheikh Zayd, bin Hadi حفظه الله تعالى, et d'autres. فهذه القاعدة والعمل بها مفاده أنك تأخذ العلم من هؤلاء الذين بدعهم العلماء وبدعهم كثير من أهل العلم ولكن الشيخ الحلبي لم يبدعهم فعلى قاعدته تأخذ منهم وتضيع وتتيه فإن الله عز وجل سيت غاقل. Si on la met en application, ça va nous amener où ? Ça va nous amener au fait qu'on a le droit de prendre la science de ceux que beaucoup d'hommes de science ont décrété leur innovation. Et selon la position de Cheikh Ali al-Halabi, non, tu peux prendre la science chez eux. Et si on suit cette règle-là, on va être perdu. On va baigner dans un océan d'ambiguïté. Et on ne va pas toucher. Pourquoi ? Parce que le Halabi ne les a pas rendus innovateurs, tout simplement. Et ceci est une situation qui est très dangereuse. Et vu que la situation est arrivée à ce point-là, حدثني البعض في بلجيكا وفي كثير من مناطق فرنسا هذه الأيام. يقول أن الإخوة الآن لا يبالون لا في فرنسا